Le mois d'octobre est le mois de la liquidation des modèles 2017 chez Dolbo Auto. Des rabais allant jusqu'à 1 500 $ sur nos camionnettes Silverado et Sierra. Dolbo Auto est situé au 1770 boulevard Wahlberg, Dolbo Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0580. Toute l'équipe de Dolbo Auto vous invite à acheter localement pour garder nos emplois ici. Pour des remorques fiables, robustes et de très grande qualité, c'est chez Remorque 2000 qu'il faut aller. Nous fabriquons des remorques en aluminium dont la structure est garantie 5 ans. Pour plus de détails, visitez notre site web au remorque2000.com. Remorque 2000, au 643 Dequin, Dolbo Mistassini, au 418-276-9383. Toute notre équipe invite la population à acheter localement pour soutenir notre économie. On va parler de Samuel Girard. La semaine passée, c'était l'euphorie Samuel Girard. Et avec raison, parce que nous, à Robertval, c'est rare qu'une vedette. C'est le premier, d'ailleurs, joueur de la Ligue nationale à atteindre la Ligue nationale. Mais pour les Cataractes de Shawinigan, certainement que c'est une, on peut pas dire une catastrophe, mais pas loin. On en parle avec le descripteur radiophonique des matchs des Cataractes au 106.9, Claude Boucher. Bonjour, Claude. Salut, Daddy. Samuel Girard. Nous aussi, au Lac-Saint-Jean, on est très fiers. C'est le premier joueur natif de Robertval à atteindre la Ligue nationale. Hier, il ne jouait pas, par contre. Est-ce que c'est un signal? Je ne sais pas. Mais ça va être difficile de retourner avec les Cataractes, avec les performances qu'il a fait. Chez les Cataractes, moi, ce que j'avais entendu dire, c'est qu'on s'y est beaucoup sur lui pour l'échanger, pour se rebâtir. Mais ça doit être une catastrophe. C'est 2-2, là. Ben, écoute, Danny, tu as mis le doigt sur le bobo, parce qu'effectivement, du côté des Cataractes de Shawinigan, si on revient à la saison dernière, après l'élimination surprise au premier tour contre les Foreurs de Val-d'Or, on savait que on recommençait un cycle de construction. Ils n'aiment pas ça dire ça, les entraîneurs et les dirigeants de hockey junior, mais on retombait un peu au bas de l'échelle du côté des Cataractes de Shawinigan. Et dans les joueurs qui restaient avec l'équipe, qui devaient revenir cette année, ben il y a le gardien Michael Denisov qui avait une certaine valeur. Même chose pour l'attaquant Brandon Gignac et, bien sûr, en défensive, Samuel Girard. Et là, ben ce qui circulait à Shawinigan depuis la saison dernière, comme tu l'as dit, Danny, c'est que Girard allait commencer la saison avec les Cataractes. Et comme un moment donné, probablement au cours de la saison, le directeur général Martin Mondou allait le transiger à une équipe qui espère aller loin dans les séries de cette année dans la Ligue junior majeure du Québec et peut-être même aller à la Coupe Memorial parce que, bon, les Cataractes n'avaient pas nécessairement un grand espoir pour cette saison. Sauf que là, ben s'il ne revient pas de Nashville, ben les Cataractes vont le perdre pour absolument pour rien. Ce qui fait un peu ce qui donne un drôle de sentiment aux partisans des Cataractes. C'est sûr que les partisans sont très heureux qu'un joueur de leur équipe atteigne les niveaux supérieurs. Dans le fond, les joueurs passent en junior majeur pour ça, pour certains. Mais d'un autre côté, c'est sûr qu'on est un peu triste parce que on s'attendait pas à ce que Girard quitte dès cette année pour les niveaux professionnels. Tu vois, Danny, j'en parle comme si c'était déjà sûr et certain qu'il revenait pas, tellement que la saison dernière, on a retenu l'expérience avec Anthony Beauvillier. Ben oui, c'est clair. Là. Il a pas joué hier, Samuel, par contre. Est-ce que ça veut dire de quoi avec la défensive qu'ils ont? Je le sais pas. Mais vous allez être fixé très bientôt, là, d'un côté ou l'autre, là. Ben, écoute, l'année dernière, dans le cas d'Anthony Beauvillier avec les Highlanders, on nous disait 6 jours, 10 matchs, c'est réglé. Mais la règle, c'est pas défini à ce point-là. Même après 10 matchs joués, il peut être retourné n'importe quand. C'est sûr. Mais c'est sûr que s'il joue plus que 10 matchs dans la Ligue nationale, ça donne un signe que l'équipe va peut-être le garder. Mais bon, on commence tranquillement pas vite à faire notre deuil du numéro 94 là, ici à Shawinigan. Parce que là, ce qu'il faut dire, c'est que oui, ils peuvent être retournés. Par contre, ça avance. Là. Pour l'équipe de la Ligue nationale, comme les Prédateurs, il avance d'un an. Là. Donc, il pourrait avoir droit à l'arbitrage un an plus tôt. Là. C'est pour ça, là. C'est tout ça l'histoire. Ben, c'est ça. C'est comme une année d'ancienneté, là, si jamais ils dépassent le cap des 10 matchs. Là. Oui, effectivement, ils peuvent le retourner quand ils veulent dans le hockey junior, mais s'ils jouent ces 10 matchs, il va avoir des conséquences pour lui au niveau professionnel. Mais bon, je le répète, Danny, à Shawinigan, les gens commencent à faire leur deuil là, du 94. OK. Est-ce que du côté des Cataractes, 2 victoires, 7 défaites, ils ont également une victoire j'étais avec le classement là, une victoire en prolongation. Est-ce que quand même c'était ça qu'on s'attendait ou vraiment là, on pensait vraiment que ça allait être on suit vraiment la réalité. Écoute, faut être honnête. En début de saison, 11 joueurs recrues, un entraîneur recru derrière le banc. Personne ne s'attendait à ce que les Cataractes se retrouvent au premier rang du classement général après seulement 10 matchs. Ça, c'est d'un côté. Sauf que d'un autre côté, de perdre les 8 premiers matchs, ça commençait à ruer dans les brancards un peu du côté des partisans de Shawinigan. Pas du côté de l'équipe. L'équipe a toujours eu confiance qu'on allait trouver des solutions. L'entraîneur a toujours gardé confiance en ses joueurs, a toujours continué à maintenir en bon québécois le focus là, sur les objectifs à atteindre. Même chose au niveau du directeur général. Mais pas besoin de vous dire chez les partisans, s'il n'y a pas de victoire, on trouve ça un petit peu moins le fun. Et c'était le cas après 8 défaites, même si on sentait que l'équipe travaillait bien, que l'équipe s'en allait effectivement dans la bonne direction. Puis on va être honnête aussi, dans les 8 défaites, je pense qu'il y a des matchs que les Cataractes auraient mérité de gagner. Mais bon, les poteaux, ça fait partie du jeu hockey. Puis les malchances aussi, ça arrive. Puis il y en a eu plusieurs du côté des Cataractes au cours des 8 premiers matchs. Mais là, avec les 2 victoires contre les Tigres de Victoriaville en fin de semaine, on pense que c'est effectivement reparti dans la bonne direction. Moi, je maintiens ma prédiction de début de saison, Danny. Je pense que les Cataractes vont terminer dans le milieu de peloton là, dans la Ligue junior majeure du Québec. Je les mets à peu près 9e-10e. Ce qui serait bon, là, parce que sans compter que si Samuel ne revient pas, ce serait très bon, 9e-10e. Mais ta prédiction, c'était 9e-10e avec Samuel et avec tout ce qui arrivait. Écoute. Mais moi, j'ai toujours pensé que les Cataractes, même si Samuel Girard revenait en début de saison, qu'il ne va pas terminer la saison du côté de Shawinigan. Il y aurait eu quoi en échange? Il y aurait quand même eu du matériel. Effectivement, c'est sûr que le directeur gérant Martin Mondou, si Samuel Girard revient à Shawinigan, il va transiger avec une équipe qui va aller loin et qui va être capable de lui fournir des choix de repêchage et qui sait peut-être des joueurs déjà connus pour la saison prochaine. C'est sûr qu'on ne laissera pas aller terminer la saison à Shawinigan absolument pour rien, en sachant que l'équipe n'ira peut-être pas nécessairement très loin en série. C'est ça, malheureusement, la réalité du monde du hockey junior, c'est qu'il faut se servir de ses meilleurs joueurs pour se reconstruire d'année après année. Et je pense que c'est dans le plan du côté des Cataractes. C'est sûr que si à un moment donné, on arrive au temps des fêtes, que les Cataractes bataillent pour les premières positions de la division ou encore de la Ligue, peut-être que ça va changer les plans de la direction également. Mais la façon dont la saison est partie, moi, je serais très, très surpris que Samuel Girard termine la saison à Shawinigan. C'est clair. Et là, on n'a pas parlé du championnat mondial junior, parce que s'il devait être retourné avec les Cataractes quelque part en novembre, il y a le camp d'entraînement du mondial junior qui va débuter quelques semaines après. Alors, on risque de le voir à Shawinigan seulement que pour quelques matchs et peut-être une éventuelle transaction. Mais ça reste encore hypothétique, parce que dans la réalité d'aujourd'hui, il est encore avec les Prédateurs de Nashville, puis on est très content pour lui. On a parlé de Samuel, mais Anthony Beauvier l'année passée, ça vous a fait très mal. Moi, j'écoute la chronique de Michel Villeneuve tous les matins en Mauricie, puis chez Catherine, en a parlé beaucoup d'Anthony Beauvier. Vous en parliez pas mal. Là, on parle de Samuel, mais ça fait mal, Beauvier aussi. Beauvier, la saison dernière, c'est une des raisons pourquoi les Cataractes n'ont pas franchi le premier tour des séries, malgré qu'ils étaient supérieurs aux Foreurs de Val-d'Or. Sur la glace, c'est sûr que son absence a fait très mal côté performance, mais malgré ça, les Cataractes ont largement fini premier dans leur division. Moi, je pense que où ça a fait le plus mal, c'est que Beauvillier était le capitaine des Cataractes de Shawinigan. Et au niveau leadership dans le vestiaire, tu sais, ce qui permet à une équipe que les liens soient solides entre les joueurs, ben des fois, c'est peut-être 1, 2 ou 3 joueurs qui sont là, qui maintiennent tout le monde ensemble. C'était le cas d'Anthony Beauvillier, puis l'année passée, il était pas là. Ce qu'on a appris après l'élimination, c'est que, semble-t-il, que dans le vestiaire, il y avait des clics, il n'y avait pas nécessairement une grande unité entre les joueurs des Cataractes de Shawinigan. Moi, je pense que c'est surtout derrière les portes closes que l'absence d'Anthony Beauvillier a fait mal aux Cataractes. Et tu as raison de le mentionner, c'est 2 années d'affilée que les Cataractes perdent des joueurs de premier plan au niveau de la Ligue nationale. Je le répète, encore une fois, à Shawinigan, les gens sont contents pour les jeunes hommes. On n'est pas surpris dans le cas de Beauvillier, encore moins dans le cas de Samuel Girard, mais c'est sûr qu'au niveau des Cataractes de Shawinigan, pour l'instant, ça fait mal. Mais bon, c'est la réalité du hockey junior. Ça donne quoi, hein? Je sais qu'il y a des compensations financières. Si Samuel fait l'équipe, les Cataractes vont recevoir des montants d'argent. Je sais que c'est un montant d'argent, mais je ne me rappelle plus du montant. C'est quoi, hein? C'est 75 000 $ que la Ligue nationale verse aux Cataractes de Shawinigan s'il ne revient pas avec l'équipe. Écoute, c'est difficile à chiffrer à quel point l'absence d'un Samuel Girard à long terme avec les cataractes, au niveau économique, à combien ça peut se chiffrer pour les cataractes de Shawinigan. Combien de gens de moins dans les estrades viendraient voir les cataractes si Samuel Girard n'est pas là? On ne peut pas le dire, on ne le sait pas du tout. Ouais. Mais un 75 000 $, c'est pas nécessairement un très gros montant dans le budget d'une équipe de hockey junior qui est dans les millions de dollars. Bon, c'est un peu comme une tape dans le dos. Là. Donc, effectivement. Claude Boucher, descripteur des matchs des cataractes de Shawinigan, à bientôt. Ben merci, Danny. Puis encore une fois, ben vous avez une raison d'être fier au Lac Saint-Jean avec Samuel Girard. C'est un bon petit gars. Ah ouais. Un petit gars avec une tête sur les épaules qu'on a eu beaucoup de plaisir à côtoyer ici à Shawinigan au cours des dernières saisons. On veut qu'il reste dans la Ligue nationale, mais on aimerait ça qu'il vienne rejouer juste quelques matchs à Shawinigan. J'ai fait plusieurs entrevues avec Samuel, puis c'est un petit gars terre à terre. C'est un petit gars fin, c'est un petit gars gentil. Voilà. Il se prend pas pour un autre. Puis j'espère qu'il va faire comme Marianne Saint-Gelais. Il changera pas quand il aura atteint la Ligue nationale. Je l'espère de tout cœur. Écoute, on est vraiment pas surpris des succès qu'il a actuellement avec les Prédateurs de Nashville. Ouais. Claude Boucher, un gros merci pour sa part. Voilà le descripteur des matchs des Cataractes de Shawinigan à Cogeco, en Mauricie, Claude Boucher.